La porte, la veille ouverte. La porte, la veille ouverte, dado. La porte, la veille ouverte. Mais des mon à pas les rentrer. Des mon à pas les rentrer. Des mon à pas pour rentrer là-dedans. La porte la veille ouverte, la porte la veille ouverte à nous. La porte la veille ouverte, mais des mon à pas les rentrer. La porte la veille ouverte.